și consenge. Ok. J'ai mis la chemise Versace, elle m'a chauffé dans l'escalator. Elle voulait une dédicace, on a terminé au Novotel. Elle fait trop la dure de tête, elle veut pas avouer quand elle a tort. J'suis toujours quoi en 5G, elle pisse les numéros sur mon tel. Le game est sacré bordel, j'suis en short la cause au planète rap. J'enchaîne que des séminaires à Marrakech sur la Côte d'Azur. J'suis dans les sons qui ambiance, des fois j'écoute la drill ou la trap. Il faut du son pour danser, j'te fais bouger même dans là, ta voiture. Là j'suis quoi en 5G, okay. 5G comme mon accord en 5G. 5G, doom slingé en 5G. 5G, j'vais te fast time en 5G. 5G, là j'suis quoi en 5G. 5G comme mon accord en 5G. 5G, doom slingé en 5G. J'ai la Rolex, maillot de Manchester City. J'couince pas mes ex, j'suis au rond-point de la cité. Lui parle pas, lui il fait trop la victime. J'négocie pas, il faut trouver un big deal. J'ai la dorée, la platine, l'infinity. J'aime bien le Dell, c'est ma sage, elle est sexy. J'lui parle plus, il faisait le job petit. Gros RS7 à plein derrière le buisson. Là j'suis go en 5G. 5G comme Monaco en 5G. 5G, doom slingé en 5G. 5G, j'vais te fast time en 5G. 5G, là j'suis go en 5G. 5G comme Monaco en 5G. 5G, doom slingé en 5G. Elle m'a mis en story, elle a un petit au Burberry. Le plus la Ferrari, j'suis pas venu en touriste. Prochaine neuf, ça sert à rien. Après t'as le cœur pourri, en fait toi tu sers à rien. Comme un survêt là j'suis go en 5G. 5G comme Monaco en 5G. 5G, doom slingé en 5G. 5G, j'vais te fast time en 5G.